partir de mon existence. Je laisse briller les miroirs, me conter toute autre histoire au final. Mais je sais que je ne toucherai jamais l'épingle d'or. Oui, je sais que jamais je ne goûterai ce putain de sort. Une fois, j'aurais brûlé les âges du plus grand des incendies. Sans esprit qui veille au bois, sans fusil pour aller affronter.